et ils monteront dans les cieux, et à chaque fois qu'ils rencontreront des groupes d'anges, ces groupes d'anges diront: mais quelle est cette âme pure, quelle est cette âme bonne? فَيَقُولُونَ فُلَانِ اِبْنُ فُلَانِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Et ils répondront: c'est un tel, fils d'un tel, et le nommeront parmi les plus beaux noms dans lesquels ou par lesquels il était nommé dans cette vie d'ici-bas. حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, jusqu'à arriver au premier ciel. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ. Et ils demanderont aux anges qui gardent ce premier ciel de leur ouvrir les portes de ce premier ciel, et ces portes seront ouvertes, leur seront ouvertes. فَيُشَلِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. Et à chaque fois qu'il traversera un ciel, les habitants de ce ciel diront de bonnes paroles en sa faveur jusqu'à arriver au septième ciel. حَتَّى يَنْتَهِي بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira: écrivez le livre de mon serviteur chez les personnes les plus élevées, c'est-à-dire parmi les gens du paradis. وَاعِدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ, et redescendez-le sur terre. فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُكُمْ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِدُهُمْ. Car c'est d'elle, c'est-à-dire de la terre, que je les ai créés, et c'est vers elle, c'est-à-dire la terre, qu'ils retourneront. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَوْرَةً أُخْرَى, et c'est de cette terre que je les ferai ressortir une nouvelle fois, c'est-à-dire le jour du jugement. قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ, puis son âme sera retournée dans son corps. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِ, et deux anges viendront alors et le feront asseoir. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils lui diront: مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur? Il dira: رَبِّي اللَّهُ, mon Seigneur c'est Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ, ils lui diront: مَا دِينُكَ, quelle est ta religion? Il répondra: دِينِ الْإِسْلَامِ, ma religion c'est l'islam. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ, ils lui diront: quel est cet homme qui a été envoyé vers vous? فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, il dira: c'est l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. فَيَقُولُونَ لَهُ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ, ils lui diront: quelle est ta science? Il dira: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté qu'il était véridique. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ, et alors un appeleur appellera dans les cieux: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, il dira, cette voix dira: il a dit vrai, ou mon serviteur a dit vrai, étendez-lui des tapis du paradis. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, et habillez-le des vêtements du paradis. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. قَالَ فَيَأْتِيَهُ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا, et il lui parviendra les vents et les parfums du paradis. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ, et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. قَالَ وَيَأْتِيَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ, puis un homme au visage agréable viendra vers lui. حُسْنُ الثِّيَابِ, qui aura des beaux vêtements. طَيِّبُ الرِّيحِ, qui aura une odeur agréable. فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسَّرَكَ هَذَا, بَشِرْ بِالَّذِي يَسَّرَكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ, il lui dira: je t'annonce la bonne nouvelle de la part de celui qui t'a facilité, c'est ce jour qui t'a été promis. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ, فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ, et cet homme lui dira, ou le défunt dira: qui es-tu? فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ, car ton visage est le visage d'une personne qui apporte le bien. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ, cet homme lui dira: je suis tes actes pieux. فَيَقُولُ رَبِّي أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي, puis le défunt dira: oh Allah, fais que l'heure soit